À Pyongyang, le palais central de la jeunesse a abrité un rassemblement le 28 octobre pour féliciter les footballeuses championnes de la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans de la FIFA 2016. Il était présent le vice-président du comité national de direction des sports, Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti de travail de Corée, les cadres des secteurs intéressés et du domaine des sports, joueurs, entraîneurs, jeunes et étudiants de la capitale. Des stations du parti et de l'État sont décernées aux membres de la sélection qui ont fait honneur à la patrie. L'assistance a écouté des allocutions de félicitations et interventions.